Sarcastic. Gira as flow. As flow. Productions. We can't stop because we don't stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Tu es la seule, la number one, la girl que je voulais te partager. L'amour naît d'un regard, mais du même regard, je vois tes larmes. Donc vaut mieux mourir en larmes que de ton charme. Tiel Bidi. Dans le royaume de mon cœur, t'es ma reine. Cherche pas ailleurs, moi je t'aime. T'as de la ce plat dans mon cœur. T'es mon plan A, oui my girl. C'est en aimant qu'on devient amoureux. T'es ma déesse et moi ton dieu. J'suis pas croyant, mon toi j'ai la foi. Jour et nuit, je pense à toi. T'es la seule, la number uno. Toi et moi, on formait un vrai duo. Gucci, Louis, TL, Billy. On tombe, on sort, c'est le parti. T'es la seule, la number one. La girl que je voulais te partager. Regarde-toi, toi et moi. Plus tu donnes, moins tu reçois. Plus t'es bonne, plus je te déçois. Never, never, I go, nigga, let's go. Never, I go, nigga, let go, let's go. Smack, bise, kiss sur l'air. Fais bouger ton corps, so catch me, baby. Tu es ma reine, tu es ma queen, t'es ma princesse. Sans toi, je suis un roi, mais en détresse. Tu es la seule, la number one. Pour toi, je serai au bout du monde, ça c'est clair. Je te mène en bateau, non, je crois pas. Car tu m'as chaviré le cœur en électeur. Je me foutais de tout sauf de toi. Tant de rien puisque pour moi l'air était tout. Je laisserai ma vie pour elle. Et quand je le dis, je suis formel. Mais je suis encore en solo. Avec mes mots doux et tendres. Comment pourrais-je me faire entendre? Car je pourrais plus entendre. La number one, la girl que je voulais te partager. La seule, la number one, y'a que toi que j'aime, oui ça c'est vrai. On fera tour du monde, avec toi je vais tout faire. T'es ma princesse, dans mon monde t'es la reine. Y'a que toi je considère, les autres je les zappe. L'amour entre nous marche, donc le courant passe. T'es ma perle rare, t'es mon accessoire. Je vais chercher mon cœur, donc à ce soir. Quand pas pendant des heures, double M et qui est ton petit cœur. Dekiak, Ipseng, IB, Officiel, Rachidi, Saku Music, Tudi O, GRS, Bros Team, you know us, on top, everybody, hands up, hands up, hands up, hands up.